ta slava. Jedziesz mi balepać, mocno właśnie ma. Ty si ulewa, on pokazuj zoła. Prawi mi po koncert ma, o ma bojkotę. Na liście na bit, świte gazolowej. Performę to lana, babi se na film. Zbytla na kotę, do rychy do mati. Się rudy, się w tym turystwa. Jora ma, tu możesz by ma pa. Bo kosowa ma, że mi do mnie da. Je suis toujours dans mon bateau. Dans la fessée de plaintre. Dans mes petits trucs comme Django. Mon poteau surveille ton dos. Demande pas plus ça va. Je suis solo dans la part. L'agence à gaz ça va. Et j'ai les schmitts dans mes pattes. Ne sont pas chez moi. Ici ou là-bas. On ne faut faire du zoa. Car il faut qu'on se bat. On m'a boycotté. Ma liste est la vie. Je suis des gars solo. Fais tes plans comme nous, maman. Pour faire de l'amour, de la maille. Ce putain de mood a gâché ma life. J'ai des mauvaises idées, mais bon, faut naviguer. Pour faire ses décider, même mes proches m'ont pas aidé. Je veux pas me noyer, la prison l'est bandée. Moi j'ai oublié, quand t'as mes filles motivées. Tu l'as fait de ma vie.